même une minute d'avance, c'est pas toujours le cas. Mais... Donc, je vais juste quelques mots d'introduction au nom du comité de préparation, hein, des gentils organisateurs qui sont dans cette pièce, Virginie Hollard, Edouard Lynch et Yann Sambuis, qui ont... Nous quatre, on a donc préparé cette initiative. Donc, bienvenue à Lyon pour ce colloque au titre « Une nourriture terrestre très librement inspirée d'André Gide » et qui va s'intéresser au travers de 16 interventions sur un monde assez riche, hein, des cafés lyonnais et bordelais aux campagnes dromoises, de la Méridienne Verte au Banquet des Milles, sur le rôle de ce monde immense des gargotes, cafés, cabarets, restaurants et banquets dans la vie politique française des 19e et 20e siècles, puisque ce sont les limites que nous avions choisi de placer, tant sur le plan temporel que géographique, puisque l'échelle européenne posait d'autres problèmes, et déjà l'échelle française est suffisante pour faire quelque chose d'intéressant. Donc ce colloque, disons-le, il s'inscrit dans un champ d'études qui a été ouvert par la Société française d'histoire politique, dans le cadre de laquelle s'inscrit ce colloque, sur les lieux du politique. Et les lieux du politique, donc, comme vous vous en doutez, ne se réduisent pas ni aux palais nationaux, ni aux mairies, ni aux locaux des formations politiques, mais ils incluent ces lieux de consommation de boissons et de nourriture, pour le coup très terrestre et souvent assez compact, comme on va le voir cet après-midi. Et autant c'est un objet qui était abondamment traité dans la littérature, pensez au Café Musain dans Les Misérables, le lieu de réunion des amis de l'ABC, le Grand Hiver... chez Balzac, dans Les Paysans, salle de conseil du peuple, et non pas parlement du peuple, comme on le dit parfois, les souvenirs de Daniel Cordier sur les cafés lyonnais comme abri des résistants au début de l'occupation. Voilà, on a donc tout un monde sur lequel on va essayer de réfléchir sur ces deux sessions. Et donc, avant de passer la parole aux premiers intervenants, donc je voudrais d'abord faire des remerciements. Alors d'abord aux archives départementales, et à son directeur Bruno Galland, qui s'excuse infiniment de ne pas pouvoir être là cet après-midi pour cette première session, mais qui nous a offert très libéralement l'usage de ses locaux. Merci aussi à l'Université Lyon 2 qui va accueillir la deuxième session demain matin et demain après-midi. Merci également au LARA, Laboratoire historique Rhône-Alpes, au Laboratoire d'études rurales, Sciences Po Lyon, la mairie de Lyon, qui ont tous soutenu cette manifestation et sans lequel elle n'aurait pu se tenir. Merci aussi au public présent, qui je pense sera un peu plus nombreux tout à l'heure. Et donc, je crois que sans tarder, on va passer donc à la première session, où vous allez entendre Rémi Gillet, qui va nous parler des cercles républicains à Tours chez Moreau, licoriste débitant, et ensuite à Sylvain Lancelot, qui nous parlera des cafés et des luttes politiques à Givors pour cette première session. Merci.